Et c'est au moment où enfin ma vie prend un sens que l'amour vient contrarier le chemin que je me suis tracé. Car j'ai tout donné à mes fils. Et ce n'est que maintenant que je réalise à quel point j'ai été dupe de croire qu'en retour je pouvais en attendre quelque chose. Oui, il est trop tard. Peut-être a-t-il toujours été trop tard. Peut-être en effet n'ai-je pas tout compris.